Des murs couverts de briques du pays dunkerquois, simples et couleur de sable, Ave Maristella lit-on sur la façade. La petite chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Dunes est un symbole de l'histoire maritime de la ville. Reconstruite en 1815, elle révèle comme une coquille d'huître sa perle, un petit écrin de style baroque, où soufflent des vents d'aspiration flamande et italienne. Foisonnement d'ex-voto qui témoignent de la reconnaissance et de la piété populaire, autel marbré et doré surmonté d'une fresque en coupole, plafond bleu orné d'une grande rose des vents parmi les étoiles, grande piéta offerte par les marins après une dramatique pêche à Islande en 1888. L'ensemble surprend toujours par la multitude d'éléments qui se sont accumulés et ajustés ici les uns aux autres au fil du temps. Une belle ferveur y règne, empreinte de l'humilité propice au recueillement. Dans ce petit lieu, comme à la maison, on chante ou prie en silence, au rythme paisible des lumignons encore allumés par les fidèles. À celui aussi poétique des maquettes suspendues au plafond par des fils invisibles, vol de bateaux calmes, comme au port, flottant au-dessus de nos têtes. On y lit Notre-Dame de Brebières, de la Mer, de l'IS, de la Salette, de la Garde, de Paris, de Lourdes, de Bolzel. Puis à l'extérieur de la Rose, Notre-Dame d'Afrique, de Fatima, Notre-Dame du Cap-Canada, Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame d'Eichelden, Notre-Dame de Banneux, Notre-Dame de Częstochowa, Notre-Dame de Dublin. La petite chapelle a pourtant survécu à la houle des siècles. Son histoire remonte à 1403, époque d'une restauration des remparts de la ville. Des ouvriers sont alors surpris par le jaillissement d'une source d'eau pure dans le sable. Ils découvrent, à côté de cette source, une petite statue en bois de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus dans ses bras. Œuvre supposée d'un pêcheur qui l'aurait taillée au couteau pour orner la proue de sa barque et qui aurait été perdue lors d'une tempête. On l'appela Notre-Dame de la Fontaine, puis Notre-Dame des Dunes. La légende veut que la statue, emportée en divers lieux dignes de l'abriter, disparaissait toujours pour réapparaître sur les lieux de la découverte, comme si la Vierge souhaitait y être vénérée. Une chapelle y fut alors construite, longtemps isolée, dans les remparts de Vauban. Transformée en atelier de munitions à la Révolution, elle explosa en 1793 et resta en ruine jusqu'à ce qu'une souscription publique en permit la reconstruction en 1815. L'abbé Pruvot, prêtre et artiste, en a dessiné les vitraux, réalisés en 1953. Il nous a patiemment rassemblés dans la lumière les éléments tirés des décombres de cette histoire mouvementée, d'où la petite chapelle jaillit encore miraculeusement vivante. Une chapelle en l'honneur de Marie, gardienne de la foi, étoile du salut au milieu des tempêtes. Résolument tournée vers la mer, elle porte encore les traces de la ferveur et du courage des pêcheurs. Femmes de pêcheurs et nombreux autres fidèles venus prier ici depuis le début du XVe siècle. Le 15 août, il y a la procession, on part de la petite chapelle à 16h pour se rendre sur le quai des Anglais. Et de là, il y a la bénédiction de la mer et puis le départ pour déposer une gerbe aux marins disparus, aux personnes disparues en mer. Voilà.